Le cheval de Caligula par Ferdinand de la Combe. Chapitre 1er. Le cirque Maxime. Vers l'an 39 de notre ère, on célébrait à Rome la dédicace du temple commencé par Tibère en l'honneur du divin Auguste et terminé par Caius Caligula. En mémoire de ce pieux événement, Caius, toujours empressé, par goût ou par calcul, de flatter les instincts de la multitude, et follement passionné lui-même pour les spectacles, ordonna, pendant plusieurs jours, des réjouissances publiques, dont la magnificence surpassait l'éclat des solennités accoutumées. Pour que chaque citoyen prît part à ces fêtes splendides, l'omnipotence du prince avait abrégé les deuils et suspendu le cours de la justice. La première journée fut consacrée aux sacrifices et aux cérémonies religieuses, la deuxième aux combats d'harmonie et aux représentations dramatiques, dans le théâtre de Marcellus, édifié par Vitruve au pied du Capitole. Les honneurs de la fête avaient été pour Sénèque, philosophe et poète à la fois, alors dans la fleur de l'âge et du talent, et qui donnait sa tragédie de Médée. Il avait eu le double orgueil de recueillir les ovations de la foule et de mériter les suffrages de la sœur de l'empereur, Agrippine, qui lui confia quelques années plus tard l'éducation de son fils Néron. Le troisième jour, 500 ours ravis aux forêts de la Germanie tombèrent, au son d'une musique sauvage, sous les coups d'une armée de chasseurs gaulois, dans l'amphithéâtre de Statilius Taurus, transformé en une verdoyante forêt. Le soir, l'aspect de la scène changea. On donna les gladiateurs délices du peuple. Après avoir offert à César l'hommage de leur vie mercenaire, ils surpassèrent, pour la perdre avec grâce, tout ce que l'art du gymnase avait imaginé jusque-là de plus original et de plus raffiné. Le quatrième et dernier jour, enfin, fut réservé au jeu du cirque. Nul édifice à Rome ne se prêtait mieux à ces luttes fastueuses que la vaste enceinte dont les fondements avaient été jetés par Tarquin l'Ancien dans la vallée Marcia, entre le pont Aventin et le mont Palatin, et qu'on appelait le cirque Maxime. Ce gigantesque monument, bâti en pierre de Tibur, a besoin d'être décrit ici pour l'intelligence des événements qui vont suivre. Il comptait 2300 pieds de longueur sur 500 de largeur et présentait la forme d'un hémicycle entouré à l'Orient, au Midi et au Septentrion, d'immenses files de gradins de pierre. À l'Occident, il se terminait par une construction rectiligne composée de 13 arcades. Celle du centre, richement sculptée, servait d'entrée au cirque. Les 12 autres tenaient lieu de remise aux chars et aux chevaux, et s'appelaient les carcères. La partie supérieure de ces arcades était couverte de sièges de marbre destinés aux spectateurs privilégiés. À chacun des angles de cette sorte de terrasse, l'architecte avait construit une loge élégante, l'empereur et sa suite en occupaient une. On réservait habituellement la deuxième aux riches personnages qui offraient les jeux. L'intérieur de la carrière était traversé, dans le tiers de sa longueur, par un mur de briques épais nommé l'épine, à chaque extrémité duquel on avait placé 3 bornes élevées en forme de cône. Ce mur était orné de statues d'airain dorées, des dieux et des déesses, et de 2 portiques tétrastyles surmontés, l'un de 7 dauphins, la queue renversée, l'autre de 7 œufs en bois. Au centre se dressait majestueusement l'obélisque monolithe de granit oriental que l'empereur Auguste avait enlevé d'Héliopolis. Pour compléter une course, il fallait raser 7 fois les bornes de gauche à droite en partant des carcères, et chaque tour se comptait par la disparition d'un œuf ou d'un dauphin. Or, on touchait à la fin de la 4e journée. Les courses de chars étaient terminées, et du haut des gradins de l'amphithéâtre, 150 000 spectateurs des 2 sexes, abrités des rayons du soleil par un immense voile d'azur semé d'étoiles d'argent, plongeaient encore au milieu de l'arène le regard avide d'incidents dramatiques et de sanglantes péripéties. La multitude attendait, avec une fiévreuse impatience, la course à cheval qui devait mettre fin au spectacle. Cette partie de la fête excitait un intérêt d'autant plus vif qu'on avait annoncé qu'un cheval nouveau était engagé contre les coursiers les plus fameux du cirque, et en particulier contre Bellox, le plus beau, le plus rapide cheval des écuries de l'empereur. Les uns louaient, les autres blâmaient l'audacieux qui faisait entrer en lice ce concurrent inconnu, mais personne n'osait déposer d'enjeu contre Bellox, vainqueur sans rival, sur le sol glorieux de l'hippodrome. Dans sa vaste loge tendue de pourpre, éclatant des plus somptueux ornements, l'empereur, affublé selon son habitude du ridicule costume d'une divinité de l'Olympe, présidait les jeux avec une joie puérile. Ce jour-là, il portait une barbe d'argent et un manteau bleu lamé de feuilles de plantes marines en or, afin de mieux figurer Neptune. De plus, il tenait à la main le trident symbolique du monarque des mers. Son bizarre entourage était loin de rappeler le cortège d'un dieu. Cet homme, au cœur pétri de cruauté, d'orgueil et de folie, négligeait même la dignité d'emprunt derrière laquelle s'abrite le vice élevé. Au milieu des membres de sa famille, des personnages consulaires, des préfets et des tribuns des cohortes ou des dignitaires de sa cour conviés à s'asseoir dans la loge impériale, où on distinguait des histrions, des affranchis et des cochers devenus, en passant par l'orgie et la débauche, les conseillers frontés d'un maître sans pudeur. Parmi eux, le pantomime Menster provoquait la bruyante hilarité de son maître en imitant par des poses grotesques ou par de hideuses contractions musculaires le triomphe des vainqueurs ou la douleur et la rage impuissante des vaincus. Les courtisans, par crainte ou par flatterie, tenaient sur un pied d'égalité honteuse ces favoris de basse origine que désavouait secrètement leur orgueil patricien. Au-dessus des carcères étaient assis les sénateurs dans leurs chaises curules, les ambassadeurs étrangers, le collège des pontifes et celui des augures, des aruspices, des magistrats, des chevaliers, l'édile Vespasien dans son tribunal et les vestales sous un baldaquin de fleurs et de guirlandes blanches, emblèmes de leur vœu virginal. La loge, symétriquement opposée à celle de l'empereur qui donnait les jeux, offrait avec celle-ci un contraste frappant. Elle était occupée par l'impératrice, la piquante Milona Caesonia, par les sœurs de l'empereur Agrippine et Julie et par l'épouse du débonnaire Claude, Messaline, dont les attraits enivrants et les passions fougueuses attelait à son char la jeunesse désordonnée de l'époque. Belle comme la Vénus antique, ces princesses de la famille des Césars en conservaient, jusque sur le théâtre, la toute-puissance de séduction et les coquetteries subtiles et méditées. Autour d'elles se rangeaient des dames romaines des plus illustres maisons. Idolâtres de leur beauté, aspirant à la célébrité de la mode ou au triomphe de leur grâce, ces femmes étalaient l'élégance la plus recherchée. Elles avaient les cheveux entourés de perles ou de chaînes d'or, les bras couverts de bracelets de pierres précieuses, les vêtements parfumés d'essences rares. Un homme seul apparaissait au milieu de ce groupe de beautés célèbres. C'était l'imbécile Claude, l'oncle de l'empereur. Celui-ci, qui saisissait toutes les occasions de l'humilier et le faisait persifler par ses bouffons, le réduisait à chercher un refuge parmi les femmes plus indulgentes pour cette timide nature. Ce qui donnait au tyran l'occasion d'ajouter avec dédain que Claude n'était pas un homme et qu'il l'obligerait un jour à dépouiller les habits de son sexe. Malgré le repos de l'entracte, l'ivresse du plaisir se lisait sur toutes ses physionomies. Le spectacle, par sa variété et son exécution, devait avoir rempli l'attente des plus impatients ou des plus difficiles parmi ce peuple que tourmentait la soif des jouissances théâtrales. Des scènes imprévues avaient en effet doublé l'attrait des courses des chars. Et les ordonnateurs des fêtes avaient su rompre habilement la monotonie de ces joutes répétées par les jeux de Troie, où brillait une jeunesse d'élite, et par une lutte ardente et frénétique entre des athlètes campaniens et africains habiles au pugilat. Pour augmenter la magnificence de ces différents jeux, le prodigue Caligula avait fait sabler la reine de poudre de vermillon et de chrysocale. Après que des jeunes garçons, dirigés par les corrèges, eurent chanté aux accords des flûtes et des cithares des vers à la louange du divin Auguste, des esclaves parcoururent les gradins et distribuèrent des corbeilles de pain et de viande et des amphores de vin à la joyeuse multitude. Elle salua cette largesse par de bruyantes acclamations en criant « Longue vie à César le père du peuple, à César le fils des camps !» On apportait aussi dans la loge de l'empereur des pâtés de gibier, des paons et des faisans de colchides rôtis, des gâteaux au miel, des pyramides de fruits succulents et de vin de Kio. Mais bientôt, on oublia le festin pour les courses attendues et les paris s'engagèrent. On s'entretenait surtout du cheval nouveau venu dans la lice et qui appartenait à un chevalier nommé Junius. On établissait mille conjectures sur son origine et ceux qui paraissaient le connaître prétendaient que Junius avait reçu ce coursier en présence de Valerius Petronius, son père. Or, Petronius était gouverneur de la Syrie et nul n'ignorait sa passion pour le cheval de l'Orient, qu'il prisait à tort ou à raison au-dessus de toutes les races de l'Occident. Le nom est sans doute d'une rare valeur, disait la franchie Caliste, car ce cheval semble d'une beauté insigne. Mais il me paraît manquer sous son poil asiatique de cette ardente vigueur qui distingue les chevaux thessaliens, l'élite de nos rapides coureurs. Ce n'est point là, répondit Clémens, le préfet des cohortes prétoriennes, l'opinion de Manulus, le maître d'équitation de la jeunesse. Il prétend par tous les dieux de l'Olympe qu'il n'est pas encore entré de jarret aussi robuste sous les portiques du cirque. Ce Manulus ment, s'écria l'empereur à ces paroles. Pétronius ne saurait avoir de chevaux plus parfaits que les miens. Suis-je donc avare de mon or ou de mes éloges pour le marchand phénicien qui peuple mes écuries? Ne leur réserve-t-il pas la fleur des chevaux de l'Orient? Mais puisque tu parais partager le sot avis de Manulus, je gage avec toi 150 000 sesterces que ce redoutable coursier ne triomphe pas de Vélox. Je ne te contredirai pas, César, car tu me proposes là une offre dangereuse, dit l'habile courtisan. Vélox fut en ma présence 2 fois vainqueur au cirque Flaminius pendant les Jeux d'Apollinaire, 3 fois à celui de Jules César, et plus d'un nombre double dans cette enceinte. J'atteste que nul cheval n'est plus digne que lui du nom qu'il porte. « Tu deviens sage, Clémens, » reprit l'empereur avec la joie de l'amour-propre satisfait. « C'est Minerve qui t'inspire, et tu lui voueras une généreuse offrande puisqu'elle te conserve ton argent. » Puis se tournant du côté des carcères, « Est-il quelqu'un qui, cria-t-il, qui veut soutenir avec moi contre Vélox un enjeu de 150 000 sesterces ?»« Moi, » dit le jeune chevalier qui se leva vivement pour être mieux vu de César. « Qui donc es-tu, jeune fou ?»« Je suis Junius, et je gage pour mon cheval. » « Tu as perdu, Junius. »« J'ai gagné, César. »« Par Hercule, tu as perdu, te dis-je !» s'écria de nouveau Caligula. Il s'assit en haussant l'épaule et lançant de ses yeux caves une effrayante menace à son audacieux interlocuteur.